Le journal sud-coréen Kyungyang Sinmun a fait paraître le 9 un éditorial titré « L'origine de l'arrogance d'Abe, criminel de l'histoire ». En voici le résumé. Après la mise sur pied de la statue de la fillette devant le consulat japonais à Busan, la réaction japonaise dépasse la limite, notamment la réclamation en personne d'Abe pour son démantèlement. Abe s'est présenté à la presse pour déclarer que puisque le Japon a déjà payé 1 milliard de yens, la Corée du Sud doit montrer sa sincérité et que le démantèlement de la statue de la fillette est normal, et que malgré le changement du pouvoir, la Corée du Sud doit appliquer l'accord. Les autorités sud-coréennes, en dépit de la protestation de la population et des victimes, font l'objet des injures de toutes sortes du Japon, et sont à la merci du Japon pendant plus d'1 an après la conclusion de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel.